On l'a appelé l'automne allemand, l'automne 1977. Jamais encore le terrorisme d'extrême gauche n'avait atteint un tel degré de violence outre-Rhin. Et pourtant, depuis des années, nos voisins vivaient avec la menace terroriste, malgré un renforcement considérable de l'appareil policier et de la législation. Et surtout, malgré l'arrestation en 1972 des chefs historiques de la fraction armée rouge, Andreas Bader, Gudrun Enslin et Ulrike Meinhof. Cette décapitation d'un mouvement qui s'inspirait des guérillas sud-américaines n'avait donc nullement altéré sa virulence. C'est ce que disait M. X la semaine passée. D'autant que les terroristes, qui n'avaient pas encore été arrêtés, poursuivaient en priorité un objectif, la libération de leurs camarades emprisonnés. En 1976, Ulrike Meinhof, épuisée par plusieurs grèves de la faim, mentalement atteinte par des conditions de détention très dures, on a même parlé de torture par l'isolement, met fin à ses jours dans sa cellule. Aussitôt, la fraction armée rouge se déchaîne. Une prise d'otage à l'ambassade allemande de Stockholm se termine dans le feu et le sang. Et un peu plus tard, un commando assassine le procureur général de la République et deux de ses collaborateurs. 15 jours après, à l'issue d'un long procès, Bader et sa compagne, Enslin, sont condamnés à la prison à vie. La riposte ne tarde pas. En juillet 1977, le président de la Dresdner Bank est abattu à son domicile. Parmi les assassins figure sa propre nièce, Suzanne Albrecht. C'est le début d'une série qui se terminera 3 mois plus tard par la mort de Bader, de sa compagne et d'un autre membre fondateur de la fraction Armée Rouge. Officiellement, ils se sont suicidés. Mais rapidement, on prétendra qu'ils ont été en réalité assassinés. Qu'en est-il et pourquoi la fraction armée rouge pourra-t-elle sévir jusque dans les années 90? Dans un instant, les réponses de M. X. Avant de revenir sur la disparition des chefs historiques de la fraction armée rouge, on pourrait peut-être voir en détail le fil des événements de cet automne 1977. Je vous écoute, allez-y. Y a d'abord l'enlèvement à Cologne du patron des patrons allemands, Hans Martin Schleyer, une opération excessivement violente. Son chauffeur et 3 de ses gardes du corps sont tués. Une action hautement symbolique. Symbolique, pourquoi? À cause du passé nazi de Schleyer. Ah oui. Cet industriel a même été membre de la SS. Donc en s'attaquant à lui, les terroristes veulent s'en prendre à un personnage éminent du capitalisme, mais aussi dénoncer le fait que la dénazification est imparfaite. Ouais, et que les Allemands ont la mémoire courte. Oui, ça je vous l'ai dit, cette notion joue un rôle essentiel dans les motivations de ces militants de l'ultra-gauche. Ouais, la mise en cause de la génération de leurs parents. Exactement. Et les ravisseurs menacent de tuer leur otage si Bader et les autres ne sont pas libérés. Toujours la même revendication. Hein. Oh oui, et tandis que Schleyer croupit dans ce que les militants de la fraction armée rouge j'appelle une prison populaire. C'est-à-dire une simple pièce d'un appartement de Cologne. Ouais, bon. Donc, pendant la détention du patron des patrons, un commando de 2 femmes et 2 hommes détourne un avion de la Lufthansa qui vient de décoller des Baléares. Ces terroristes sont allemands? Non, ce sont des Palestiniens. Mais ils agissent en totale liaison avec la bande à Bader. La preuve, c'est que leurs revendications ne sont pas palestiniennes, mais allemandes. Ils demandent la libération des terroristes qui viennent d'être condamnés à la prison à vie. Et ils annoncent que s'ils n'obtiennent pas satisfaction, Hans Martin Schleyer sera tué. Réaction des autorités allemandes alors? Le chancelier Helmut Schmidt, à qui on a vivement reproché d'avoir cédé une fois aux terroristes. Ah oui, lors de l'enlèvement d'un homme politique de la démocratie chrétienne. Oui, c'est ça. Ouais. Donc Schmidt n'est pas enclin à obtempérer. Et il prend même très vite la décision d'intervenir par la force. Mais c'est très aléatoire, car les terroristes multiplient les sauts de puce en Méditerranée et au Proche-Orient. Et le commando des forces spéciales allemandes, qui le suit à la trace, peine à le rejoindre. Toujours en retard. Oui. Une escale est particulièrement dramatique. À Aden, les terroristes abattent le pilote. Et c'est le copilote qui prend les commandes et pose le Boeing à Mogadiscio. Et c'est là, je me souviens, c'est là que les Allemands vont donner l'assaut. Hein. Oui, après la tragédie des Jeux Olympiques de Munich en 1972, Bonn a créé une unité d'élite un peu à l'image de notre GIGN. Et effectivement, le commando allemand agit avec célérité et efficacité. En à peine 5 minutes, 3 des terroristes sont tués. Le 4e, une femme, est blessée. Et surtout, tous les otages sont sains et saufs. Ça, c'est un vrai succès. Là. Et une cruelle déception pour les prisonniers de la fraction armée rouge. Malgré l'isolement total qu'on leur a imposé dans leur prison de Stammheim, ils apprennent la nouvelle de l'échec du commando palestinien. Et dans la nuit qui suit, ils se donnent la mort. Alors, parce que vous croyez à la version du suicide? Et au risque de vous décevoir, oui. Mais pourtant, attendez, à l'époque même, on a mis en évidence des points Très curieux, hein. Oui, c'est exact. Et moi-même, j'ai douté. Alors, si vous voulez bien, voyons ça dans l'ordre. Ouais. Bader et son camarade Raspeu, un sociologue, ont été tués par des armes à feu, tandis que Eslin, elle, a été retrouvée pendue comme Menhoff, un an plus tôt. Et des pistolets, hein, ont été découverts dans les cellules de Bader et de Raspeu. Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il est difficile d'expliquer comment des armes ont pu franchir les murs de cette véritable forteresse qu'était la prison de Stammheim, ouais, la prison la mieux gardée du monde. Alors, les autorités allemandes en ont conclu que seuls les avocats avaient pu faire parvenir ces armes aux détenus. Avec des avocats déjà soupçonnés, hein, d'avoir transmis des messages à l'extérieur. En effet, oui. Sûr de Bader. Là, vous employez le conditionnel. Ah, bien sûr, car ce point n'a jamais été éclairci. Mais cela a permis aux partisans de la thèse de l'assassinat de bâtir un vrai roman. Bader aurait été conduit à Mogadiscio afin de dire aux terroristes du Boeing que leurs revendications avaient été satisfaites. Alors, oui, qu'ils pouvaient donc relâcher leurs otages. Hein. Bon, enfin, bon, je n'ai pas l'impression que vous y croyez. Hein. Non, pas du tout. Alors, pourquoi, malgré autant de points troublants, c'est ce que vous avez dit, hein, êtes-vous convaincu que Bader et ses deux amis se sont réellement suicidés? Eh bien, pour une simple raison. En reconnaissant que deux d'entre eux s'étaient tués avec des armes à feu introduites dans cette prison de haute sécurité, les autorités allemandes avouaient en même temps leur faiblesse. Si réellement on avait voulu assassiner Bader et les autres, on s'y serait pris de façon plus intelligente. Les services secrets disposent de poisons extrêmement efficaces et on aurait prétendu que ces substances avaient été introduites par les avocats. Mmh. Ouais, il est vrai que c'est plus facile que de passer une arme au parloir. N'est-ce pas? Au lieu de quoi, cette affaire a permis aux sympathisants de la bande à Bader de croire à l'assassinat et donc de renforcer la contestation d'une petite partie de la jeunesse allemande pour qui Bader et ses acolytes deviennent aussitôt de véritables héros. Ouais, des martyrs. Évidemment. Ouais. Et leurs partisans brûlent de les venger. Le lendemain même, un message parvient au journal Libération. Libération, le journal français. Oui. Le corps de Hans-Martin Schleyer se trouve dans une voiture stationnée dans une rue de Mulhouse. Son enlèvement avait eu lieu 6 semaines plus tôt. Et dans ce communiqué, les assassins, fustigeant la vie méprisable et corrompue du patron des patrons, annoncent que leur combat continue. Et c'est effectivement le cas? Oui. Mais à l'évidence, c'est une nouvelle génération qui se lève. Non, mais pardon pour ce petit retour en arrière, mais le fait que des Palestiniens aient opéré ce détournement d'avion à Mogadiscio là, indique qu'il existait une vraie collaboration entre les terroristes allemands et les terroristes du Proche-Orient. Et qui durait depuis longtemps. Je vous ai dit au cours de notre premier entretien que Bader et les siens étaient même allés s'entraîner dans des camps palestiniens. Et depuis, les relations n'avaient pas cessé. En particulier avec le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, de Georges Habash et Wadi Haddad. Ouais, c'est-à-dire la branche la plus dure hein, de la résistance palestinienne. C'est ça, oui. Ces hommes finiront d'ailleurs par rompre avec l'OLP de Yasser Arafat. Haddad, le véritable organisateur de cette structure terroriste, recrutera Carlos et en allemand, Johannes Weinrich, qui deviendra par la suite le lieutenant de ce même Carlos. Il est vrai que les deux hommes ont beaucoup de points communs, à commencer par le fait qu'ils ont été mariés à la même femme, une Allemande, Magdalena Kopp. Oui, c'est effectivement sacré délire. Enfin, une terroriste qui sera arrêtée à Paris. Hein, c'est juste, c'est oui. Ça. On constate donc qu'il existe alors une véritable nébuleuse du terrorisme révolutionnaire. Car ces hommes, véritables mercenaires du terrorisme international, vont commettre des attentats à travers toute l'Europe et nouer des liens avec d'autres organisations comme l'ETA basque ou l'IRA irlandaise. Mais l'important n'est pas là. Weinrich est aussi l'homme qui fait le lien avec les services de l'Est. Mais lesquels? Les services hongrois, roumains et bien sûr la Stasi. Et la deuxième génération de la fraction Armée Rouge va désormais collaborer étroitement avec les agents de l'Est. Dans leur histoire de l'espionnage mondial, Étienne et Moniquet consacrent un article à Weinrich, aussi connu sous les pseudonymes de Steve ou Schneider. Je les cite. Fonction. A été dans le groupe Carlos responsable des relations avec les autres groupes terroristes. Telle pourrait être, résumée de manière abrupte, la fiche de Johannes Weinrich, le lieutenant du terroriste Carlos, arrêté au soir du 1er juin 1995 dans une planque de la banlieue d'Aden au Yémen. les informations seraient juste mais incomplètes parce qu'elles laisseraient dans l'ombre ce qui est peut-être l'essentiel. Johannes Weinrich a été le contact entre Carlos et la Stasi est-allemande. Il est, en d'autres termes, la preuve vivante que certains services spéciaux est-européens, quand existait encore le bloc communiste, ont directement manipulé des groupes terroristes. Ayant rejoint Carlos en Syrie, il deviendra son principal adjoint après lui avoir amené ses cellules révolutionnaires sur un plateau. Mais quand Carlos lui demande de nouer un contact avec la Stasi est-allemande, il ignore que Weinrich collabore déjà avec ce service depuis une dizaine d'années. Enregistré par la centrale de renseignement est-allemande sous le nom de Schneider, il reçoit ses consignes des colonels Aridal et Helmut Feucht, respectivement responsables de l'action violente et du travail de renseignement en Europe occidentale, qui le considère, ainsi que le révéleront des années plus tard les dossiers de la Stasi, comme un agent modèle. On verra, si vous le voulez, sur les rapports entre les services de renseignement de l'Est, surtout ceux de RDA et les héritiers de Baader. Parce qu'ils ont été vraiment très étroits. Quoi qu'il en soit, il n'est pas inintéressant de constater que les premiers attentats commis par cette nouvelle génération de terroristes sont anti-américains. Oui, anti-impérialistes, comme on disait alors. Oui, ouais. Et alors que la guerre du Vietnam, qui était la justification des premiers attentats de la fraction Armée Rouge, est finie depuis longtemps. En 1981, c'est une base états-unienne en Allemagne qui est attaquée. Il y a de nombreux blessés. 15 jours plus tard, le commandant en chef des forces terrestres en Europe est victime d'un attentat. Mais il s'en sort. D'autres soldats américains seront attaqués et tués. Ensuite, les cibles seront plus classiques, si j'ose dire. C'est-à-dire classiques. Bah, des hommes d'affaires et des politiques. En 1985, le patron du motoriste MTU, Ernst Zimmermann, est assassiné près de Munich. Puis toujours près de Munich, un important dirigeant de Siemens s'est abattu. Mmh. Ensuite, c'est un diplomate allemand à Bonn. Et en 1988, le secrétaire d'État aux Finances, Hans Dittmeier, échappe de justesse à la mort. Ce qui ne sera pas le cas un an plus tard du président de la Deutsche Bank. Dans le même temps, les terroristes allemands perpètrent des attentats commandités par des services arabes. Ah oui, c'est pourquoi vous vouliez parler de mercenaires. Oui, un seul exemple. En août 1983, la Maison de France à Berlin-Ouest est frappée par un attentat à la bombe. Bon, on sait maintenant que c'est Weinrich, le lieutenant de Carlos, qui en a été l'organisateur. Et les explosifs sont arrivés par la valise diplomatique syrienne. Damas reprochait alors à la France de participer à la force multinationale d'interposition au Liban. Il faut aussi souligner l'extrême sophistication de certains de ces attentats. Tu veux dire, là ? Bah, l'emploi de bombes télécommandées, par exemple, accrédite l'idée que ces terroristes collaborent avec des professionnels des services. Ah ouais. Alors, venons-en justement à la réalité des connexions entre la fraction Armée Rouge et les services communistes. Malgré les moyens considérables mis à la disposition de la police allemande et des services secrets, beaucoup de terroristes ayant été identifiés en tant que tels semblent avoir purement et simplement disparu. En fait, ils ont été récupérés par les Allemands de l'Est. Mais ça, on ne l'apprendra que bien tardivement, lorsque le mur de Berlin sera tombé. En fait, les autorités policières ont été victimes d'une véritable opération d'intoxication. Ouais, racontez ça, alors. Bon, le BND, le service de renseignement ouest-allemand, était infiltré. Et la manœuvre a consisté à persuader les dirigeants du BND que ces terroristes en fuite avaient trouvé refuge dans des pays arabes. Ce qui n'était pas illogique. C'est vrai. Ouais. Mais malgré leurs efforts, les agents allemands opérant à l'étranger n'avaient pu retrouver aucun d'entre eux. Ah oui, ben si, ils étaient en réalité derrière le rideau de fer. Exactement. Et pourtant, une affaire aurait dû alerter le BND. En 1985, un jeune homme venant de RDA se présente à la police. Il vient de découvrir une des affiches placardées un peu partout en RFA. Affiche sur lesquelles figure une galerie de portraits des terroristes les plus recherchés. Or, il croit avoir reconnu parmi ces photos une jeune femme qui est infirmière en Allemagne de l'Est. Mmh. Et le nom de cette terroriste qu'il croit avoir identifié là ? Silke Meyerwitt. Elle est en particulier soupçonnée d'avoir pris part à l'enlèvement du patron des patrons, Hans Martin Schleyer. Toutefois, quand il a rencontré la jeune femme de l'autre côté du rideau de fer, elle s'appelait Angelika Gerlach. Ah, comment réagit la police alors après cette information ? Le BK, c'est-à-dire la police judiciaire, accorde une grande importance à cette histoire. Mais il lui est impossible d'agir à l'extérieur des frontières de la RFA. Aussi, le dossier est transmis au BND à charge pour ce service d'essayer d'en savoir plus. Mais au bout de quelques mois, le BND laisse tomber. Pourquoi ? Bon, essentiellement pour des raisons politiques. La RFA et la RDA essaient alors de se rapprocher. accuser la RDA d'abriter des terroristes de la fraction armée rouge ruinerait ses tentatives de réconciliation. Toutefois, à l'Est, l'affaire a filtré et la menace semble sérieuse. Aussi, la pseudo-Angelika Gerlach est rapidement invitée à quitter la ville où elle exerçait son métier d'infirmière. Elle est pourvue d'une nouvelle identité, change de métier. Maquillage. Ah bah, vous ne croyez pas si bien dire. Certains de ces anciens terroristes subiront même des opérations de chirurgie esthétique, à l'instigation des services est-allemands. Mais, avant d'aller plus loin, je voudrais revenir, si vous voulez bien, sur l'histoire de cette Silke Meyer-Witt, car son itinéraire permet de mieux comprendre la dérive de ces terroristes d'extrême-gauche. Un parcours exemplaire, si je comprends bien. Oui, bah, Silke n'est encore qu'une enfant lorsqu'elle découvre dans le grenier de la maison familiale de Hambourg une boîte qui a été dissimulée. Ouais, comme c'est une enfant poussée par la curiosité, elle l'ouvre. Naturellement. Et elle trouve à l'intérieur des souvenirs de guerre de son père, dont un poignard frappé du redoutable sigle SS. À l'époque, étant donné son jeune âge, elle n'y prête guère attention. Mais des années plus tard, lorsqu'elle apprend dans ses livres d'histoire la réalité des crimes nazis, elle interroge son père et subit une violente rebuffade. Ah, il ne veut rien dire. Non, se refuse à toute explication. Et c'est le début de la révolte de Silke. À l'université, elle rencontre d'autres rebelles qui ont vécu la même expérience. Des jeunes gens qui vivent dans des communautés ou des squats. Un vivier de recrutement pour la fraction armée rouge. C'est ainsi que, progressivement, Silke va être amené à participer aux actions destinées à obtenir la libération des chefs historiques de la bande Abadère et à protester contre leurs conditions de détention. Elle finit par basculer dans la clandestinité. Oui, alors certes, elle ne fait pas partie du noyau dur, mais en tant qu'agent de liaison, elle est, par exemple, complice de l'enlèvement de Schleyer. Ensuite, ce bon petit soldat du terrorisme part subir un entraînement au Yémen. Un entraînement donc aux méthodes de la guérilla urbaine. Bien entendu. Mais quand elle revient en Europe en 1979, Silke apprend qu'au cours d'un braquage dans une banque de Zurich... Attendez, un braquage opéré par la fraction armée rouge, hein. Oui. Donc au cours de ce braquage, des coups de feu ont été échangés. Et une femme parfaitement innocente a été mortellement atteinte. Mais c'est une sorte de prise de conscience pour Silke. C'est certain. La jeune femme réalise que la violence ne mène à rien et qu'il faut y renoncer au plus vite. Que fait-elle alors? C'est pas très facile de s'abstraire de la clandestinité quand on y a plongé, d'autant que ses camarades, à qui elle a confié ses doutes, commencent à se méfier d'elle. Dans le passé, ils n'ont pas hésité à liquider une autre militante qui menaçait de faire défection. Par conséquent, il est décidé de la surveiller et même de trouver un moyen de l'éloigner. Alors... C'est à ce moment que les dirigeants de la fraction armée rouge vont s'en remettre au bon soin de la Stasi. C'est exact, oui. Mais je vais vous expliquer comment. Un dernier mot sur Silke. Exfiltrée en RDA, elle mène une existence parfaitement anonyme après avoir fait des études d'infirmière. Oui, mais il y a cet incident de 1985 là où elle est reconnue. Oui, elle commence donc une deuxième vie toujours en RDA. Mais quand intervient la chute du mur de Berlin et la réunification allemande, elle ne doute pas qu'elle sera arrêtée un jour ou l'autre. Est-ce qu'il sera le cas? Effectivement. Et pour Silke, c'est une sorte de soulagement. Enfin, elle n'a plus à se cacher. Jugée, elle est condamnée à 10 ans de prison car elle n'a pas directement de sang sur les mains. 5 ans plus tard, après avoir fait des études de psychologie en prison, elle est libérée sur parole. Et après pas mal de difficultés, elle a réussi à se faire engager comme thérapeute au Kosovo. L'ancienne terroriste est donc chargée de soigner les traumatismes de ceux qui ont connu les violences de la guerre civile. Oh ben c'est vrai qu'elle n'est pas trop mal placée pour en parler. C'est évident. Alors vous me demandiez comment les militants de la fraction armée rouge avaient pris contact avec la Stasi. Eh bien, tout a commencé en 1978 à Berlin-Est, lorsqu'une jeune femme, débarquant à l'aéroport de Schönfeld, a été trouvée en possession d'un revolver. Un universitaire parisien, Édouard Husson, a publié en 2002 un article sur la bande Abadère dans la revue L'Histoire. Voici l'analyse qu'il propose. N'ont-ils pas raison les historiens, les sociologues, les politiques qui ont vu dans ces terroristes les enfants de Hitler? La fraction armée rouge n'était-elle pas un dernier écho, affaibli, de la violence des années 1918-1945? Un mouvement terroriste issu d'une frange des milieux 68-ards n'est-il pas apparu dans les deux pays qui avaient connu un régime fasciste, l'Allemagne et l'Italie? Les terroristes sont surtout, plus simplement, des enfants de la guerre froide. C'est à Berlin-Ouest que, en février 1968, un sosie de Rudi Dutschke, héros du mouvement étudiant, faillit être lynché par une contre-manifestation et que Dutschke lui-même fut victime d'un attentat en avril après que la Bild Zeitung eut appelé à se débarrasser de lui, manifestation d'une véritable hystérie anticommuniste. À partir de 1972, les mouvements terroristes ne purent prolonger leur action que parce que la RDA les hébergea. Enfin, il faut rappeler que les bases militaires américaines en RFA furent souvent prises pour cible. On a donc toutes les raisons de se demander si le terrorisme ouest-allemand aurait existé sans le contexte spécifique d'une Allemagne coupée en deux par l'affrontement est-ouest. Alors, qui est cette femme arrêtée à Berlin-Est en possession d'un revolver ? Une certaine Inge Wiedt. Les gens de la Stasi chargés de l'interroger l'identifient rapidement. C'est une militante de la fraction Armée Rouge et ça les intéresse bougrement. Mais pour quelle raison exactement ? Il y en a plusieurs. La première est assez évidente. Hein. Les dirigeants de la Stasi veulent en savoir plus sur cette organisation terroriste et gauchiste dont ils se méfient. Pourquoi ? Bader et les autres n'ont jamais manifesté beaucoup de sympathie pour le régime stalinien de la RDA. Ils se trouvaient au contraire sur une ligne plus libertaire. Oui. Alors les Allemands de l'Est pouvaient craindre qu'un jour la fraction Armée Rouge ne commette des attentats chez eux ? Ah, pourquoi pas ? Ensuite, ils étaient bien placés pour savoir que ces terroristes entretenaient d'excellents rapports avec les organisations clandestines du Proche-Orient. Par conséquent, la fraction Armée Rouge pouvait éventuellement leur donner de bonnes informations sur ces mouvements arabes. Mais pour les utiliser ? Ce n'est pas exclu. Enfin, et surtout, la Stasi voulait que s'établisse peu à peu une coopération avec la fraction Armée Rouge, au nom de l'internationalisme. Et de la lutte commune contre l'impérialisme. Bien sûr. Ouais. Pour la fraction Armée Rouge, c'était tout bénéfice. Les terroristes disposeraient ainsi d'une base arrière naturelle et d'une aide certaine de la part des services de la RDA. En outre, les militants les plus recherchés pourraient y couler une retraite paisible. Et c'est ainsi que Inge Wiedt est devenue l'intermédiaire entre la Stasi et la fraction Armée Rouge. Mmh. Et que Silke Meyer-Witt a pu être exfiltré en RDA. Au grand soulagement de ses camarades qui n'avaient plus guère confiance en elle. Et plusieurs autres membres de la fraction Armée Rouge vont prendre le même chemin, dont Suzanne Albrecht, la jeune femme qui a dirigé le commando et qui a abattu son oncle banquier. Mmh. Et comment ces révolutionnaires là, procèdent-ils pour rejoindre la RDA ? En général, ils passent par Prague et sont ensuite pris en charge à la frontière est-allemande. Ensuite, la Stasi, après avoir procédé à quelques séances de rééducation politique et construit leur légende, les munit de faux papiers et les éparpille dans le pays. Certains d'entre eux vont donc refaire leur vie, se marier, avoir des enfants et donc mener une existence quasi normale. Jusqu'à la chute du mur. Oui, car la plupart seront arrêtés et jugés. Mais est-ce que pendant leur séjour en RDA, ces terroristes à la retraite ont complètement rompu avec la violence? Oui. Et c'est pourquoi cette première partie des relations entre la Stasi et la fraction Armée Rouge n'est pas franchement condamnable, puisque ces hommes et ces femmes étaient mis hors circuit. Ouais, mais il n'y avait pas que ça, hein. C'est bien ce que vous voulez dire. Ouais, la police secrète est-allemande ne s'est pas contentée de mettre au rancard ces anciens terroristes. Elle a aussi noué des relations avec les militants de la fraction Armée Rouge qui continuaient d'agir sur le territoire ouest-allemand. Et elle s'est donc rendue objectivement complice de tous ces attentats dont je vous ai parlé. Oui, c'est-à-dire les attentats des années 80. Et comme je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure, c'est la Stasi qui a vraisemblablement doté la fraction Armée Rouge de ses armes et équipements sophistiqués qui ont été particulièrement meurtriers. Certains terroristes ont même certainement été entraînés au maniement de ces matériels en RDA même. Vous parlez toujours de la Stasi, là, mais est-ce que le service de renseignement du célèbre Marcus Wolf était aussi concerné par ces liens tissés avec la fraction Armée Rouge? J'en suis persuadé, même si Wolf a toujours nié. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, que le BND ouest-allemand avait fait l'objet d'une manipulation. Oui, visant à lui faire croire que les terroristes de la fraction Armée Rouge avaient trouvé refuge dans les pays arabes. Seuls les agents de Wolf qui avaient infiltré les services ouest-allemands ont pu réaliser une telle mystification. Et puis, il est aussi certain que Wolf a essayé d'attiser la contestation 68-art dans RFA. Comme il a également encouragé les pacifistes qui s'opposaient à l'installation des fusées Pershing en Allemagne de l'Ouest. Oui, c'est parfaitement exact. Et ça fait partie du jeu dans cette période de guerre froide. Alors, justement, lorsque cette guerre froide prend fin avec la chute du mur de Berlin? Eh bien, contre toute attente, la fraction Armée Rouge ne met nullement fin à ses actions violentes. Est-ce que ça n'affirme pas ce que vous disiez plus tôt, c'est-à-dire que les terroristes bénéficiaient d'une aide importante de l'ex, enfin de la RDA? Non, pas forcément, au contraire. ces nouveaux terroristes, car on assiste à l'émergence d'une troisième génération de la fraction armée rouge, agissent pour contester la réunification allemande. Ouais, mais au nom de... Enfin, de quelles valeurs ou de quels arguments? Bah, pour eux, cette réunification est forcée. C'est en fait une véritable annexion de l'Est par l'Ouest et donc une colonisation par l'impérialisme. Ah, ouais. L'Allemagne réunifiée est même dénoncée comme étant le quatrième Reich. Je veux bien, mais enfin, c'est quand même un combat d'arrière-garde, non? La réunification est inexorable, alors comment expliquer ça? Écoutez, avant de tenter une explication, voyons d'abord ce qui se passe vraiment. Ouais, ouais. Le premier attentat de l'après-mur de Berlin, si je peux m'exprimer ainsi, a lieu presque immédiatement. C'est, je crois vous en avoir parlé, l'assassinat du patron de la Deutsche Bank. Une bombe a été déposée à son domicile à la fin du mois de novembre 1989. Donc quelques jours après la chute du mur, hein? Oui, ouais. Oui, ce n'est sans doute pas un hasard. Trois mois plus tard, le ministre allemand de l'Agriculture échappe de peu à un attentat. Et deux mois après, la police découvre dans un squat de Hambourg des documents. Le chancelier Helmut Kohl est désormais la cible prioritaire des terroristes. Ce qui, enfin, si je vous écoute bien, n'est guère étonnant. En effet. Suivent un autre attentat, raté d'ailleurs, contre le secrétaire d'État à l'intérieur et le mitraillage de la façade de l'ambassade des États-Unis près de Bonn. Mais l'action la plus spectaculaire se produit trois mois plus tard. Le puissant patron du holding public, chargé de privatiser les sociétés de l'ex-RDA, est assassiné à son domicile de Düsseldorf. Une action alors particulièrement symbolique, celle-là. Ah, certainement, ouais. Parce que cette vente de milliers de sociétés, généralement peu rentables, provoque la mise au chômage de milliers de travailleurs et d'ouvriers. Ce patron, Rohweder, était même accusé d'être une sorte de loup-garou. Ensuite, assez étrangement, la fraction armée rouge annonce dans un communiqué qu'elle suspend ses actions. Et pourquoi, selon vous, alors? Bah, elle est alors peut-être à bout de souffle. Mais il y a eu aussi une déclaration du ministre de la Justice, un libéral, qui a promis l'allègement des peines pour certains détenus de l'organisation. Ça a certainement joué. Et pourtant, en juin 1993, un grave incident va relancer l'action de la fraction armée rouge, ou plutôt d'un groupe dissident qui signe AIZ. C'est-à-dire la cellule anti-impérialiste section RDA. Et cet incident, là? En juin 1993, des membres de cette unité d'élite allemande, qui est intervenue à Mogadiscio, tendent un guet-apens à un couple soupçonné d'appartenir à la fraction armée rouge, sans doute à la suite d'une trahison. L'homme est tué, dans des circonstances qui n'ont jamais vraiment été élucidées. Enfin, quoi qu'il en soit, cette affaire provoque non seulement la démission du ministre de l'Intérieur, mais aussi la reprise des attentats. Ce qui va se passer? Oui, mais sans atteindre le paroxysme d'autrefois. Dans le même temps, ça il faut le noter, l'un des avocats les plus connus de la fraction armée rouge, Klaus Croissant, qui a déjà purgé 2 ans de prison dans les années 70, est accusé d'avoir été un agent de la Stasi. Encore la Stasi? Je vais y revenir. En tout cas, ces rejetons de l'ancienne bande à Bader qui se contentent d'incendier des voitures et des bâtiments ou de commettre des attentats sans grandes conséquences se conduisent étrangement. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi? Ils n'opèrent qu'en fin de semaine. À tel point que la police ne parle d'eux que comme des terroristes du dimanche. Vous avez une explication? Je pense, oui. Ces militants sont complètement différents de leurs aînés qui avaient plongé dans la clandestinité à plein temps. Alors, eux sont donc intégrés dans la société? Et en outre, leurs attentats ne sont pas aussi sophistiqués. Et bientôt, l'organisation va s'éteindre d'elle-même. En 1998, la fraction armée rouge annonce sa dissolution dans un communiqué qui reconnaît que la guérilla urbaine appartient désormais à l'histoire. Fin de partie. Oui. Ouais. Alors pourquoi la fraction armée rouge a continué à agir malgré la réunification allemande? Vous avez laissé entendre qu'il fallait chercher du côté de la Stasi. Exactement. Ouais. La Stasi avait infiltré en profondeur les réseaux de l'organisation terroriste. L'utilisation au cours de certains attentats de fusils de précision équipés de lunettes à vision nocturne porte sa marque. D'ailleurs, on a retrouvé dans les archives de la Stasi des documents prouvant la livraison de telles armes aux terroristes. Mais sa vraie signature, c'est l'assassinat de ce Rohweder. L'homme des privatisations. Oui, il était sur la piste d'anciens dirigeants de la RDA qui s'apprêtaient à investir des sommes considérables à l'Ouest. Des sommes prélevées sur le trésor de la Stasi. Fallait donc le faire disparaître au plus vite et la fraction armée rouge était un parfait paravent. Markus Wolf, le brillant et redouté chef des services de renseignement de l'ex-RDA, le HVA, a donc, contre toute vraisemblance, nié avoir été au courant des contacts entre la fraction armée rouge et la Stasi. Ainsi, dans un livre d'entretien avec Maurice Najman, ouvrage intitulé « L'œil de Berlin », il déclare ceci. Sur cette histoire des prétendues relations entre des membres de la fraction Armée Rouge et le HVA, je voudrais, une fois de plus et une fois pour toutes, j'espère, affirmer que le HVA n'a été pour rien dans cette affaire, qu'il n'a jamais eu de rapport, quel qu'il soit, avec la fraction Armée Rouge ou tout autre groupe de ce genre. Mais, un peu plus loin, Maurice Najman lui demande s'il a bel et bien entraîné des militants à une guerre non classique, et il fait cet aveu. Je ne veux ni nier ni donner l'impression de me décharger d'éventuelles responsabilités sur d'autres, ni forcer la réalité pour faire plaisir aux médias. Il est en effet envisageable que certains militants passés par nos écoles aient par la suite utilisé ces connaissances à d'autres fins que celles qui avaient été définies initialement. Mais si cela s'est fait, ce fut, je le répète encore une fois, à notre insu, sans notre consentement. Il est aussi possible que nous ayons été manipulés. Ce maître espion manipulé, on a quand même du mal à y croire.